Voici votre bulletin régional. Dans le cadre de la fête des voisins, Loisirs 4 Horizons de Newport organise une vente de garage et de plantes le samedi 6 juin. Emplacement de vente, devant votre résidence ou dans le stationnement et la salle communautaire de l'hôtel de ville de Newport et dans le pavillon multifonctionnel à Allenbrook ou au centre communautaire Lawrence sur le chemin Lawrence. Vous désirez participer? Informations et inscriptions auprès d'Anne Couturier au 819-875-1785 ou auprès d'Anne-Marie Dubo, 819-875-5227. Le 29 mai est la date limite pour vous inscrire. Atelier de cuisine à l'hôtel de ville de Newport le 29 mai de 13 à 16 heures sur le thème de la rhubarbe. Coût, le prix des ingrédients divisé par le nombre de participants plus 2 $. On doit s'inscrire auprès de Gilles Prévost, 819-875-3895. Le comité des loisirs Saint-Isidore d'Oakland Inc., demande des soumissions pour la tonte de la pelouse à la salle des loisirs, 36 rue principale. Le comité des loisirs ne s'engage pas à prendre la plus basse soumission, ni aucune soumission. Date limite de remise des soumissions, le 29 mai. Information auprès de Francis Vachon au 514-588-9904 par courriel à francisvachon36@hotmail.com. Ouverture du camping vert de Saint-Isidore de Clifton les 29, 30 et 31 mai. Réservez tôt au 819-679-2005. Des activités sont organisées pour l'occasion le samedi. Vous êtes cordialement invité pour une opération beauté le 30 mai dès 8h30 au village de Sainte-Marguerite-de-Lingwick. Une équipe pour le ménage des plates-bandes, prière d'apporter vos petites bêches, et une équipe pour la peinture des tables de bois, prière d'apporter vos pinceaux à l'eau. On apprécierait si vous pouviez confirmer votre présence auprès de Manon Rousseau 819-877-3495. Au presbytère de l'église Saint-Paul de Scotstown aura lieu une vente débarras le 30 mai de 13 à 17 heures et le 31 mai de 9 à 17 heures. Plusieurs meubles et accessoires antiques. Au profit de l'église. Le 31 mai de 10 à 20 heures au centre communautaire du secteur de Marbleton de Dodswell se tient le scrutin pour combler un poste de conseiller vacant au conseil municipal.